Ambulancier, le doute m'a ambiancé. La nuit je cogite, impossible de pioncer. Je pense faire les choses mais je les fais pas. Moi avec moi c'est Sangoku face à Végétin. Avec un peu de chance, m'en sortirai peut-être bien. Avec l'âge, j'espère devenir quelqu'un. Pour l'instant, je fonce tout droit dans un terre-plein. Oui, plus je pense, plus je fume, plus je perds des points de vie. En vrai, à part faire du rap et espérer que ça marche bien, au moins j'aurais essayé de faire mon gagne-pain. Maman aurait préféré que j'ai le bac au lieu que par là-bas je me passerai. Tu sais, j'ai essayé de faire des sous forcés. Dur, mais je me suis toujours efforcé. Tu l'as pas forcément su, frustré comme si tu t'es pas payé pour des heures sup. Jusqu'à maintenant j'ai toujours consacré ma vie pour le rap. Donc les critiques de petits cons de 15 ans sont intolérables. On m'a sans cesse répété que j'avais les cartes. Mais j'ai brûlé mes cartes le jour où j'ai jeté mon cartable. Alors j'ai fait comme j'ai pu, triste quand j'ai bu, le seum quand j'ai su que toute ma vie je serais déçu. Tête vers les cieux, je prie au-dessus. Du mal à mon fiancé, j'en pleure comme mon violoncier. Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés. Du mal à mon fiancé, j'en pleure comme mon financier. Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés. Ok, j'raille, j'doute, j'plane, j'remplis, j'taille, fausse, maille. Ok, j'raille, j'doute, j'plane, j'remplis, j'taille, fausse. Avec un peu de chance, on s'en sortira. Ici les gens ont des masques comme un mardi gras. Les mentalités sont zarbi, pas d'arbitre dans la partie. C'est le temps mental qui guidera. On essaie de faire avec les moyens du bord. Ok, fais attention aux gens qui te causent du tort. Au moindre écart, tu sors comme ok. Ok, fume comme cheminée en hiver, hiver flash. Et j'divague, j'm'y perds. Roule avec 4 grammes dans le sang et dans le caleçon sans m'y perd. J'traîne dans le hall, élevé dans le hall. Moi j'veux acheter le hall, gros. Pour ça j'ai les épaules, j'esquive la tôle et j'bosse sur mes projets. Si on continue sur cette voie, les gars, on va dans le mur. Le pilon ne rapporte plus, tous mes gars se mettent dans le dur. Les politiques sont comparables à un gros tas d'ordures. On a du talent, un peu de chance dans les mains de l'or pur. Alors, j'ai fait comme j'ai pu, triste quand j'ai bu, seul quand j'ai su que toute ma vie j'serais déçu. Peut-être vers les cieux, je prie au-dessus. Du mal à mon fiancé, j'en bleu comme mon financier. Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés.